arrivait un soupirail, se penchant dans le demi-jour sur Marius, toujours sans connaissance et presque sans souffle, il le regarda avec une inexprimable haine. Il avait trouvé le portefeuille de Marius et les quatre lignes écrites par Marius. « Je m'appelle Marius Pontmercy. Portez mon cadavre chez mon grand-père, M. Gillenormand, rue des Filles du Calvaire, numéro 6, au Marais. » Jean Valjean se remit en route. Il arriva à l'issue. Là, il s'arrêta. C'était bien la sortie, mais on ne pouvait sortir. Il pouvait être 8h30 du soir. Le jour baissait. Finalement, grâce à Thénardier qui ne le reconnut pas, Jean Valjean se trouva dehors. Il laissa glisser Marius sur la berge. Quand tout à coup, il sentit je ne sais quelle gêne, comme lorsqu'on a sans le voir quelqu'un derrière soi. Il se retourna. C'était Javert. On comprend que la grille, si obligeamment ouverte devant Jean Valjean, était une habileté Thénardier. En mettant dehors Jean Valjean à sa place, il donnait une proie à la police et lui faisait lâcher sa piste. « Inspecteur Javert, prenez-moi. Seulement, accordez-moi une chose. Aidez-moi d'abord à rapporter cet homme chez lui. Cet homme était à la barricade. C'est celui qu'on appelait Marius. Il demeure rue des Filles du Calvaire, chez son aïeul. » Javert cria « Cocher !» Il était nuit close quand le fiacre arriva au numéro 6 de la rue des Filles du Calvaire. Après avoir déposé Marius chez son grand-père, « Inspecteur Javert, dit Jean Valjean, accordez-moi encore une chose. Laissez-moi rentrer un moment chez moi. Ensuite, vous ferez de moi ce que vous voudrez. » Javert demeura quelques instants silencieux. « Cocher, dit-il, rue de l'Homme Armé, numéro 7. » Ils arrivèrent au numéro 7. Jean Valjean frappa. La porte s'ouvrit. « C'est bien, dit Javert. Montez, je vous attends ici. » Parvenu au premier étage, Jean Valjean se pencha sur la rue. Javert s'en était allé.